Concini par Paul de Saint-Victor. Concini et Leonora Galigai, sa morne compagne, ont subi depuis 2 siècles toutes les avanies de l'histoire. La pitié vous prend devant leur mémoire cruellement diffamée, comme elle vous aurait pris devant leurs membres rompus et saignants. Certes, je ne veux pas faire un martyr de Concini ni une sainte de la Galigai. Je sais leurs noires intrigues et leurs pillages effrontés. Je comprends la colère de la noblesse française réduite à plier devant le sigisbée de l'indigne veuve d'Henri IV. Il faut dire cependant que ses ennemis le valaient, et qu'il ne fut ni pire ni meilleur que l'époque où il parada. Il n'y a pas dans l'histoire de France un règne plus honteux que la régence de Marie de Médicis. La Fronde est une Iliade auprès de la batrachomyomachie féodale qui s'ajoute autour de cette lourde pécore. C'est pour de l'argent que les princes se battent, c'est pour des charges de cour que les grands conspirent. La révolte et la soumission affichent cyniquement leurs tarifs. Le drapeau de la guerre civile n'est plus qu'un sac à remplir. Concini joua le rôle d'un valet fripon dans cet anarchique imbroglio, gorgeant celui-ci, alléchant celui-là, bâclant les trêves ou les coups d'État, selon le besoin du jour, faisant de sa faveur métier et marchandise. Il volait avec les voleurs, il intriguait avec les intrigants, et en cela, il faut dire que ce ruffian politique faisait son métier. Mais c'est le chargé d'un trop grand crime que lui imputait la mort d'Henri IV. C'est exagérer la fiction que le montrer stylant Ravaillac au meurtre et le lançant sur le roi. Je sais bien que cette accusation effroyable s'est insinuée, sans l'ombre d'une preuve, dans quelques mémoires. Mais la grande histoire a toujours dédaigné de l'y accueillir. Aucun même des pamphlets féroces qui se ruèrent sur Concini abattu ne l'a répété. D'ailleurs, s'il faut croire les témoins qui se laissent égorger, il faut bien croire aussi l'homme qui se laisse attenailler, écarteler, asperger d'huile bouillante et de plomb fondu, en jurant, jusqu'à son dernier hurlement, qu'il n'avait pas de complice. S'il y a quelque chose de prouvé en histoire, c'est cette dénégation de Ravaillac que n'ébranlèrent pas des tortures qui auraient fait crier une statue de bronze. À lui seul, ce témoignage absout Concini. Il est difficile d'ailleurs de trouver un scélérat dans ce drôle. Concini avait les qualités de ses vices. Il était serviable, facile, magnifique, aimant fort, comme Arlequin, à faire des présents avec l'argent qu'il avait volé. Son plus grand tort fut d'être insolent envers la fortune et de vouloir, comme il le dit un jour, la pousser à bout. Le succès enfla monstrueusement sa vanité naturelle. Son attitude à la cour, pendant sa dernière année, était celle d'un séjant de théâtre arpentant la scène à grandes enjambées. Il lève une armée de 7 000 hommes à sa solde et à sa livrée. Il s'adjuge des villes de guerre dont lui seul ouvre et ferme les portes. Il entasse, sur sa mince personne de parvenus étrangers, les marquisats, les maréchalats, les gouvernements, les surintendances. Il a des gardes du corps et des gentilshommes ordinaires qu'il appelle Sicoglioni di Mille Franchi. Il méprisait fort les princes, dit allemand, et en cela, il n'avait pas grand tort. Mais il eut tort de mépriser, comme un enfant imbécile, ce jeune roi de 16 ans, taciturne et mélancolique, qu'il avait relégué dans un coin du Louvre parmi des fauconniers et des oiseleurs. Ce furent ces oiseleurs qui le prirent dans un filet lentement ourdi. Il faut lire, non dans l'histoire officielle, qui abrège et qui décolore, mais dans un petit livre du temps, relation exacte de tout ce qui s'est passé à la mort du maréchal d'Ancre, cet étrange complot d'un roi contre son sujet. On y voit Louis XIII machinant la nuit dans son lit avec Luynes, son favori, et des familiers d'antichambre, le piège où se prendra sa bête noire. Rien de puéril en apparence, comme ce complot qui doit frapper un coup si terrible. Le roi se blottit dans sa ruelle pour délibérer avec ses affidés. Il chuchote, il s'interrompt pour regarder si l'on ne vient pas. Ses griefs sont ceux d'un enfant que l'on empêche de jouer à sa guise. Vous diriez un écolier conspirant au dortoir contre son régent. Mais un souffle même trouvait des échos dans ce palais envahi par l'espionnage italien. Concini fut averti du sourd murmure de disgrâce qui partait de l'alcôve royale. Il dédaigna d'y prêter l'oreille. L'infatuation l'aveuglait. Ses yeux ne voyaient pas plus que ceux qui brillent sur la roue des pans. Aux avis de mauvais augure, il objectait des rodomontades. Un jour, il avait dit à Luynes, « Monsieur de Luynes, Je m'aperçois bien que le roi ne me fait pas bonne mine, mais vous m'en répondrez. » Un autre jour, il répondait à une dénonciation amicale. « Lui n'a pensé de toute chose, mais il y a si loin de lui à moi que nous n'avons pas sujet de nous craindre. » C'était le « Il n'oserait » du duc de Guise, parodié par un matamor. Le hasard déjoue trois fois le complot royal. Par trois fois, Concini recule instinctivement devant le fer qui doit le frapper. Il sort de la chambre du roi à l'instant où ses meurtriers allaient y entrer. Il quitte, malgré la prière de Louis XIII, une partie de Biard au milieu de laquelle les conjurés devaient le surprendre. La veille de sa mort encore, Vitry le manque aux portes du Louvre. Enfin, le jour de l'exécution se lève. Cette fois, le piège est sûrement tendu. La cour du palais se remplit de cavaliers, drapés dans leurs manteaux jusqu'aux yeux. Vitry marche de long en large, regardant à chaque instant du côté de la porte et du pont-levis. Le roi attend dans sa chambre. Il racle en attendant un morceau de parchemin d'une main convulsive. Son canif semble, de loin, guider les épées. De bonne heure, il a fait dire à la petite reine que s'il voyait du bruit, elle ne s'étonna de rien. On signale l'approche du maréchal d'Ancre. Il apparaît sur le quai, escorté de 30 gentilshommes. Le voici qui avance. Il est à l'entrée du pont. On lui remet une lettre. Il ralentit le pas pour la lire. C'est alors que Vitry s'approche et l'arrête. Le maréchal recule brusquement. Il s'écrie « Ami !» à moi. Au même instant, trois des conjurés lui tirent à bout portant leur pistolet au visage. Les autres le percent de leurs épées. Il tombe sur les genoux. Vitry, d'un coup de pied, le renverse à terre et fait jeter son cadavre dans le corps de garde sous un portrait de Louis XIII. L'histoire se contrefait elle-même quelquefois. Il était dit que d'un bout à l'autre, la mort de ce scapin ressemblerait à celle de César. « Il paraît plus grand mort que vivant, » disait Henri III, mesurant de l'œil le grand Guise à terre. C'est l'effet que produisit Concini, d'après le fracas que fit sa chute et les chants de victoire qui la proclamèrent. À peine est-il tombé, que les trompettes sonnent, que les tambours battent, que des cavalcades galopent par la ville en criant « Vive le roi ! Le roi est roi !» Louis XIII apparaît armé au balcon, criant au meurtrier « grand merci à vous !» À cette heure, je suis roi. » Les courtisans, agenouillèrent devant le favori, accourent par troupeaux pour fêter sa mort. Ils acclament le roi, ils se prosternent, ils l'adorent. La grande galerie encombrée ne suffit plus à la foule. Le petit roi monte sur un billard pour la recevoir. Tout le matin, il resta à triompher comme sur un pavois, à déclamer comme sur un tréteau le récit de cette première tragédie de son règne. Sa joie enfantine et cruelle ne tarissait pas. Jamais il ne parla tant qu'en ce jour sinistre. Au premier venu, il racontait ses griefs. Le maréchal s'était couvert en jouant à la pomme avec lui. Il s'était assis dans sa propre chaise au conseil. Il se présentait à son audience, escorté de 200 gentilshommes, lesquels sortaient en même temps que lui et le laissaient se morfondre seul. Puis, c'était des airs de maître qui se réveille et qui va se mettre à régner. Le cardinal de la Rochefoucauld, voyant qu'on lui parlait d'affaires, lui dit qu'il serait bien autrement empêché dorénavant, qu'il n'avait été jusqu'à cette heure. « Non, dit-il, j'étais bien plus empêché de faire l'enfant que je ne suis à toutes ces affaires-ci. » Il dit à un autre, « L'on m'a fait fouetter les mulets 6 ans durant aux Tuileries. Il est bien temps que je fasse ma charge. » Un moment après, comme il s'amusait à jouer de l'épinette sur une table, quelqu'un lui dit, « Que faites-vous là, sire ?» Il répondit avec une fière ironie, « Je fais l'enfant. » Or, tandis qu'il faisait si bruyamment le monarque, celui qui devait régner en son nom et le remettre à la place, d'où ce jour-là il croyait sortir, entra modestement dans la salle. « Eh bien, Luçon, lui cria le roi, me voilà hors de votre tyrannie. » Et comme Richelieu s'inclinait et voulait répondre, « Allez, allez, ôtez-vous d'ici, » reprit-il d'une voix menaçante. C'est une des meilleures plaisanteries de l'histoire que Richelieu surgissant devant Louis XIII au moment où il triomphe du signor Concini. Cependant, la multitude achevait à sa manière la vengeance royale. Les meurtriers avaient dépouillé le cadavre de Concini. La roque lui avait pris son épée, le buisson sa bague, Boyer son écharpe, un autre son manteau de velours noir, garni de passements de Milan. Puis, il l'avait enveloppé d'un drap, attaché par les deux bouts avec des ficelles, et il l'avait jeté dans une fosse de Saint-Germain-l'Auxerrois. Un prêtre avait voulu réciter le De Profundis. On lui avait mis la main sur la bouche et fait rentrer son oraison dans la gorge. Deux petits pages se voulurent amuser à pleurer autour du corps, des lacs et les bâtirent, et leur volèrent leurs manteaux. Le matin venu, la populace, qui a flairé le cadavre, gratte la tombe avec ses ongles. Elle le déterre, elle le traîne, en le bâtonnant, sous une potence du Pont-Neuf. Là, un laquais de Concini le pend par les pieds, et comme la corde manque, les gardes du roi qui passaient lui jettent les mèches de leurs arquebuses. Puis cette canaille, enragée, décapite le misérable cadavre. Elle lui crève les yeux, elle lui tranche le nez. Un furieux plonge sa main dans sa poitrine entr'ouverte, l'en retire toute sanglante, la met dans sa bouche. Un autre arrache le cœur, le fait cuire sur des charbons et le mange. Un tronçon informe pendait encore au gibet. La foule en arrache et court le rependre à la potence de la grève. Elle le dépaisse ensuite et fait rôtir ses lambeaux à des feux de joie. Ce n'est pas tout. Concini avait un fils, un enfant de 15 ans. Il faut laisser parler la relation pour entendre le cri du temps dans toute sa fureur. Les archers qui le gardaient ouvrirent les fenêtres qui donnent sur le pont et lui firent voir ce funeste spectacle de son père pendu, afin qu'il apprît à mieux vivre. Quel crime n'absoudrait de si horribles douleurs. Devant ce malheureux, tué par trahison, au tournant du Louvre, comme au coin d'un bois, devant ce corps broyé par la furie populaire et réduit 24 heures après sa mort à une poignée de cendres sanglantes, que des cannibales vendent par les rues à un quart d'éculonce, on oublie tout, ses vices, ses constitutions, ses rapines, pour ne se souvenir que du supplice gigantesque qui les expie au centuple. L'excès du châtiment réhabilite le coupable. Le gibet, lorsqu'il est trop haut, grandit la victime. Rien ne manque à ce martyrologue. En bas, la fureur des bêtes du cirque déchirant une proie. En haut, et comme sur les gradins supérieurs de l'amphithéâtre, la vengeance royale savourant délicatement son plaisir. Ce jeune fils de Concini, qu'on traînait devant le cadavre pendu de son père, refusait toute nourriture et voulait mourir. La petite reine Anne d'Autriche envoya des confitures à l'enfant et le fit venir dans sa chambre. On lui avait dit qu'il dansait bien. Elle lui ordonna de danser. L'enfant obéit. Il dansa, aveuglé de larmes et ravalant ses sanglots. Jamais il ne se remit de cette danse funèbre. Il ne fit depuis que languir et s'en alla, quelques mois après, mourir à Florence. Que dire encore du supplice de la Galigaille? On ne sait pas le mot de cette énigmatique créature, naine de taille, maigre comme une larve, armée d'yeux enflammés qui semblaient lancer les sorts et les maléfices. Elle passa sa vie dans les ténèbres et les arcanes des Camarillas. Son histoire est un poteau noir. Cela est resté obscur et furtif, comme le serait l'influence d'une négresse au sérail. Elle dit même à ses juges, avec l'orgueil d'une femme qui va mourir et qui n'a plus rien à ménager sur la terre, ce qu'était le charme magique qu'on l'accusait d'avoir jeté sur la reine. L'influence d'une femme forte sur une âme faible, d'une femme d'esprit sur une balourde. Quoi qu'il en soit, malgré ses larcins de pivoleuse et sa morgue de fée carabosse, comment ne pas s'apitoyer sur cette désolée, ainsi que Richelieu l'appelle dans ses mémoires? Elle mourut à petit feu de l'éclair qui foudroya son mari. Elle se meurtrit et se déchira à toutes les aspérités du gouffre au fond duquel il était tombé subitement. Tout lui manqua à la fois. À peine le maréchal est-il mort, que la reine, qui l'avait tant aimé, l'abandonne, la renie et la livre pieds et poings liés à son fils. La place vint, tôt après, vers la reine, pour lui dire qu'on ne savait comment annoncer la nouvelle à la maréchale et voir si sa majesté voudrait prendre la peine de la lui dire. La reine lui dit qu'elle avait bien d'autres choses à penser, que si on ne lui voulait dire la nouvelle, qu'on la lui chantât. On sait l'iniquité criante du tribunal qui la condamna au bûcher pour avoir tué des coqs blancs un jour de pleine lune et serré des figures de cire dans un coffre taillé en cercueil. Elle fut superbe devant ses juges. Elle fut douce envers la mort. « Que de personnes assemblées pour voir passer une pauvre affligée » dit-elle en voyant la multitude qui suivait sa marche au supplice. Ce fut la seule plainte qui lui échappa. On pardonne tout vis-à-vis d'une pareille douleur. Et si l'histoire veut récriminer, on lui répète ce que la Galigaille dit elle-même à un jeune gentilhomme qui lui reprochait, après son arrestation, je ne sais plus quelle offense. « Fiasque, fiasque, non bisogna parlar del passato. Fiasque, fiasque, il ne faut plus parler du passé. » Ainsi s'achève Concini par Paul de Saint-Victor.